Chapitre 28e. Au petit jour, M. de Carlepont entra chez Henri. « Debout, mon fils, dit-il. Mais avis que nos valises pourraient bien être bouclées ce soir. »« Je suis prêt, dit Henri. Un mot, cependant. Vous avez paru surpris hier, mécontent même, quand je vous ai parlé du projet que j'avais de me rendre au château de la Morlaix. Peut-être cédai-je avec trop de facilité à un sentiment dont ma raison n'a mesuré ni la profondeur ni l'étendue. Il se peut même, direz-vous, que ce sentiment n'ait point de racine. Mais alors expliquez-moi pourquoi l'image de Mademoiselle de la Morlaix ne s'efface pas de mon souvenir depuis le jour où je l'ai rencontrée. Pourquoi cet attrait qui me pousse au lieu qu'elle habite, et pourquoi cette émotion qui me saisit quand je pense au jour où je la reverrai. Un jour, je l'ai tenue tout enfant endormie dans mes bras. Depuis ce moment, bien des fois, il m'a semblé que je l'avais oubliée. Vous savez quelle flamme a dévasté mon cœur, et voilà que ce souvenir se réveille tout à coup, comme s'il n'eût fait que sommeiller, et du premier élan il s'empare de moi. N'y a-t-il pas quelque chose d'inexprimable, presque de mystérieux, dans cet entraînement? Je n'ose pas dire cette explosion. Peut-être. Et c'est là précisément ce qui m'engage à t'éloigner. Moi aussi, j'ai subi l'inexplicable empire de ces entraînements. Si tu dois y céder, ce ne sera pas du moins sans combattre. Tu es dans cet âge heureux où un an, ce n'est rien. Si dans un an, la même pensée te possède, alors il sera temps de voir face à face celle qui l'inspire. Si son image a disparu, tu n'auras pas l'éternel regret d'avoir fait comme le roseau qui penche à la moindre risée de vent. Fais ta vie d'abord. Elle ne sera complète que le jour où tu auras choisi la femme qui sera ta compagne, celle que j'ambitionne pour toi. Mais je veux que ce jour-là ton esprit soit dégagé de toute entrave, ton cœur joyeux, ta conscience libre et fière. Et pour cela, il faut qu'il ne reste rien d'un passé qui l'essouille, pas même un frisson, pas même un sourire. Une cicatrice, c'est déjà trop. Gilbert parut bientôt. Il battit des mains en apprenant que M. de Parlepont et M. de Bléret devaient être du voyage. « Pardieu, dit-il alors, puisque vous voilà mes compagnons, je vous dois toute la vérité. La pensée extravagante de poursuivre je ne sais où une princesse qui serait peut-être bohémienne s'il n'était pas millionnaire n'est pas le seul motif qui m'engage à quitter Paris. Au fond, une sorte de lassitude humiliante m'accable. Je ne sais quelle rouille s'étend sur mon être intérieur. Je fais bêtement des choses bêtes, toujours les mêmes. Toujours, c'est beaucoup. Je vis dans un engrenage de sottises étiquetées d'avance, comme un perroquet qui monte et descend les bâtons de son perchoir. Dans le langage du monde, cela s'appelle la liberté. Moi, j'ai idée que c'est le plus fatigant et le plus sot des esclavages. Il y a longtemps que c'est mon avis, répondit M. de Bléret. Mais il me fallait une occasion pour briser ma chaîne. Une occasion ou un prétexte, dit M. de Carlepont. Une princesse s'est présentée, je l'ai prise. Maintenant, je veux savoir si la rouille ne m'a pas envahi, et si, telle que m'ont fait quelques années gaspillées en sottises, je suis encore bon à quelque chose. Le duc échangea un regard avec M. de Bléret. Quand je vous le disais, s'écria-t-il, puis frappant sur l'épaule de Gilbert. Tu places la pudeur où d'autres placent leur vanité, ajouta-t-il. Lorsque tu fais une action virile et courageuse, tu la couvres d'un vernis de folie. La méthode est peut-être bonne, il ne faudrait pas seulement que l'ennui fût trop épais. Bois, la princesse Vasilissa est si légère, vous verrez, répondit Gilbert d'un ton gai. L'expédition résolue, on ne perdit pas une minute pour empresser les préparatifs. Gilbert voulait tout prendre à sa charge. J'en ai eu l'idée, j'ai bien le droit d'en être le caissier, disait-il. M. de Carlepont déclara que, si pauvre que les événements l'eussent fait, il découvrait toujours par-ci par-là, dans les décombres de sa fortune passée, quelques morceaux dont on pouvait encore tirer parti. Un jour, une créance litigieuse qui rentrait contre toute probabilité, plus tard, un coupon de rente dont un notaire lui faisait la remise. C'est ainsi, reprit-il, que j'ai fait ces temps derniers la découverte d'un petit bois qui demeure en Picardie. Quelque voisin voudra bien l'acheter, et j'en appliquerai le produit à nous permettre de faire bonne figure chez les Mahométans. Et si chemin faisant tout brûle, les arbres et les fagots, alors à la grâce de Dieu, tu nous garderas en otage. où nous nous établirons corsaires sur la mer Caspienne. » Dès qu'on fut à Paris, M. de Carlepont se mit en campagne. Les relations qu'il avait conservées dans le meilleur monde lui permirent de mener promptement et à bonne fin le projet qu'il avait conçu. Dès le quatrième jour, il apprenait à son fils qu'il avait obtenu pour lui l'autorisation de suivre l'armée russe dans ses expéditions contre les tribus guerrières du Caucase. Un certain étonnement se montra sur le visage d'Henri. « Vous, mon père, dit-il, vous pour ceux qui attaquent contre ceux qui se défendent, pour le grand nombre contre le petit ?»« Je vois, répliqua le duc, qu'on t'a parlé de ce que j'ai fait jadis dans les Indes. J'étais pour les montagnards sikhs contre les Anglais, c'est vrai. Et c'est pour cela que je tiens à ce que tu marches dans d'autres sentiers. Tu ne seras pas pour la barbarie contre la civilisation. Là où est le drapeau que surmonte une croix, là est la vérité, là est la lumière. Nous marcherons à l'avant-garde ou avec l'état-major. Nous camperons sous la tente, nous dormirons sur la neige, tu entendras siffler les balles, et tu te familiariseras avec la vue du sang. Un peu de vie sauvage convient après les raffinements et les délicatesses d'une excessive civilisation. À Gilbert, le côté romanesque de notre expédition, à nous, le côté pratique et sérieux. « Merci, » dit Gilbert gaiement. Monsieur de Carlepont sourit. « Si maintenant Monsieur de Lanta le désire, » ajouta-t-il, « il y aura de la poudre pour lui comme pour nous. Et à te dire les choses franchement, comme je le pense, mon garçon, je ne serais pas fâché de t'en voir brûler un peu à mon côté. Dormez en paix. Il n'est pas de princesse au monde qui puisse faire oublier à Gilbert qu'il est le fils d'un soldat. » On n'était plus qu'à 24 heures du jour fixé pour le départ. Quand il fut seul avec le duc, M. de Bléré lui serra la main énergiquement, et oubliant tout à coup la gravité de leur langage et de leurs habitudes, « Tu as le cœur gros, mon vieux camarade, » s'écria-t-il avec un élan qui toucha profondément M. de Carlepont. « Je l'ai bien compris à ta voix et à tes yeux, tout à l'heure, pendant que tu regardais Henri. Alors je ne te cacherai rien de ce qui se passe en moi. J'ai le cœur serré à la pensée de ce que j'entreprends. C'est à la mort peut-être que je conduis mon fils. Il en est temps encore. Dis un mot et nous restons. Non. J'ai bien pesé les choses dans ma conscience et j'ai dit le mot des anciens, allez à Jacques Taest. Le serment qui m'a été dicté, je le tiendrai jusqu'au bout, quoi qu'il puisse advenir. Tu me diras peut-être que des hommes qui méritent véritablement ce nom sont partout et dans toutes les branches de l'activité humaine, et qui n'ont jamais manié l'épée, c'est vrai. Et il me semble cependant que toutes les clauses du contrat moral que j'ai accepté ne seraient pas remplies si le fils bien-aimé de Philiberte ne recevait pas le baptême du feu. La guerre est la grande école du sacrifice. Là seulement, et à toute heure, on peut offrir sa vie en holocauste. On y apprend ces grandes choses qu'on appelle l'obéissance, le devoir, l'abnégation. Le chef fait un signe et on donne son sang. On marche côte à côte avec le danger et cela vous accoutume aux plus dures épreuves. Certes, on ne trouve pas dans les armées ce mouvement et cette activité de l'esprit qui communique la fièvre aux villes où toutes les ambitions sont en éveil et toutes les intelligences en ébullition. Mais les idées y sont droites et saines parce qu'elles sont simples et en petit nombre. Les âmes s'y plient à la discipline et l'on sait combien de vertus se cachent dans ce mot. Crois-tu que longtemps puisse fouler les boulevards de Paris sans qu'un peu de la boue qu'il traverse ne vous tâche d'une éclaboussure? Quelle séduction et que d'ivresse, où le sens moral peut être faussé, que d'abîme on côtoie. Ah, j'en ai sondé la profondeur, et je sais avec quelle honteuse facilité on s'habitue à y descendre. La pente est si douce, et tant de complaisance s'en cache les aspérités. On est un homme, j'en conviens, à la condition d'avoir lutté contre les fascinations de Paris et d'en connaître l'empire. Mais Henri a mis les deux pieds dans la fournaise, c'est assez. Et puis, il y a des noms qui imposent certains devoirs. S'y soustraire, c'est abdiquer. Nos pères avaient tous les privilèges, mais ils couraient à toutes les batailles. Les privilèges ont disparu. Je tiens à l'honneur de garder les nobles servitudes. Et au premier rang, je mets celle de tenir l'épée et d'apprendre à mépriser la mort. Et s'il tombe, tu vas être à son côté. Ah, je veux y être pour tomber avec lui et répondre du sang versé à celle qui m'a dit « va » et qu'il soit un homme devant Dieu et devant les hommes. 6 semaines ou 2 mois après cet entretien, Henri et Gilbert entraient à Tiflis avec M. de Carlepont et M. de Bléré. C'était pour le moment à Tiflis que résidait la princesse Vassilissa. Elle était arrivée depuis peu de jours. M. de Lantal l'avait suivie à la piste d'Europe en Asie, et de ville en ville, en passant par Vienne, Bucarest, Varna et Constantinople. Il n'était pas sûr qu'elle restât longtemps dans la capitale de la Géorgie. « Que je la voie seulement une heure, » dit Gilbert, qui s'apprête à lui rendre visite, « et j'en suis quitte. » Il calcule alors sans l'amour-propre, et l'amour-propre, disent les Indiens, est un oiseau dont les ailes vous portent au bout du monde en un quart d'heure. Nous allons maintenant, pour l'intelligence de cette histoire, extraire d'un journal dont M. de Carlepont entreprit la rédaction vers cette époque, et de sa correspondance avec quelques amis de France, divers passages qui ont fait mieux comprendre le caractère et les incidents. On y reconnaîtra peut-être que cet épisode cachait, sous une couleur excentrique, un fond singulier de philosophie et de raison. J'ai vu hier le prince B, qui a le commandement suprême de la province et de l'armée, et lui a remis les lettres dont notre ministère des Affaires étrangères et l'ambassade russe m'avaient chargé à mon départ de Paris. Il m'a parfaitement accueilli. J'ai trouvé les manières d'un gentilhomme et la franchise d'un soldat. Il a consenti sans hésiter à prendre avec lui mon fils, mais ne lui a point caché que la campagne serait dure, âpre, fertile en mes comptes. « Le Caucase est quelque chose comme votre Kabylie, » a-t-il dit, « on y meurt dans l'ombre. Les bulletins partent de trop loin pour faire beaucoup de bruit. » Mon fils a répondu simplement qu'il ferait son devoir. « Est-ce votre dernier mot ?» répliqua le prince en me regardant. Ce regard m'a donné le frisson. « Oui, ai-je dit cependant. » Quand les histoires ont dès l'origine une allure romanesque, quelques jeux de romanesque les accompagnent jusqu'au bout. Gilbert n'a pas trouvé la princesse Vassilissa lorsqu'il s'est présenté chez elle. Une femme de chambre de Paris qu'il a reconnue lui a déclaré que sa maîtresse se promenait à cheval sur la route de Sogan-Louis. Voilà Gilbert parti. On trouve ici des chevaux à tous les coins de rue, et il eut bientôt fait de galoper aux environs de Tiflis. Un flot de poussière, d'où sortait un grand bruissement de hennissement et d'éclats de rire, lui a pris de quel côté chevaucher la princesse, en compagnie d'une garde d'honneur composée de touristes et de jeunes officiers. Gilbert mit aussitôt sa monture au pas. Il entrait dans son programme d'être grave. En ce moment passait un troupeau de bœufs. Un mouchoir avec lequel la princesse badinait, s'échappe de ses mains, le vent s'en empare, l'emporte, et va malignement le déposer sur les cornes d'un de ces animaux qu'il coiffe en l'aveuglant à demi. Le bœuf se cabre et heurte violemment son voisin. « mon mouchoir !» crie la princesse qui rit aux éclats. On s'empresse autour du troupeau, et le bœuf tout effaré part au grand galop. Mille cris le poursuivent. Il arrive droit sur Gilbert, qui a tout vu et se lance à son côté. Par une manœuvre à droite, et durant laquelle 36 cornes menacent de l'embrocher, il réussit à écarter le ravisseur du reste de la bande, et les voilà courant côte à côte à travers la campagne, suivis à distance par la princesse et son escadron. Le diable était que le mouchoir se trouvait pris entre les cornes, et qu'on ne pouvait saisir l'un sans s'exposer à être perforé d'outre en outre par les autres. Et l'animal enragé les avait pointues et menaçantes comme des épées. De plus, le cheval turc de Gilbert, qui ne partageait pas, à l'endroit de ses expéditions, les opinions chevaleresques de son maître, faisait des bonds épouvantables. Dieu sait si la princesse était heureuse. Une bonne fée permit qu'un ravin se présentât. Le bœuf y roule, Gilbert le suit, un chasseur de renards aurait applaudi à la vue de cette course enragée. Au plus fort de la descente, le mouchoir reste accroché aux branches d'un arbre. Gilbert s'en approche, et avec l'agilité d'un écolier qui a longtemps déniché des pies, il s'en saisit au vol. La princesse le regardait, arrêtée au bord du ravin, son escadron rangé en bataille autour d'elle. En quelques bonds que la terreur rendait plus rapide, le cheval turc fut auprès de la belle curieuse. Gilbert s'inclina et le chapeau à la main. « Madame, voici l'étourdi qui a eu la maladresse de vous quitter. » La princesse, qui tenait un lorgnon sur son joli nez, poussa un cri. « Monsieur de Lanta, » dit-elle. « Eh, mon Dieu, oui, madame. On se présente comme on peut. Maintenant, vous semble-t-il que j'ai tenu ma promesse ?»« Monsieur, un paladin du temps de Renaud de Montauban n'eût pas fait mieux. » Alors, madame, au revoir. J'ai idée que mon habit est un peu détérioré. Le bœuf qui barbote là-bas dans un torrent avait vraiment des allures sauvages, et il est opportun que je répare le désordre où il m'a jeté. Si demain je n'ai pas l'honneur de vous saluer, c'est qu'apparemment je ne serai plus à Tiflis. Le prince B a bien voulu promettre à un de mes amis de lui faire faire la connaissance des Tcherkesses, et je suis du voyage. Demain, j'en ai l'espoir. Eh bien, monsieur, voilà un espoir auquel il faut renoncer. Vous dînez avec moi demain, et vous soupez chez moi après-demain. Sérieusement ? Ou gaiement, si vous l'aimez mieux. Vous trouverez mes lettres d'invitation chez le consul de France. Vous voyez que je comptais un peu sur votre visite. Au surplus, si vous tentiez de m'échapper, voici deux ou trois messieurs qui commandent quelques soutiens de cosaques et de dragons. Leur cavalier aurait bientôt fait de vous ramener mort ou vif. « Mort ou vif, mais plutôt vif que mort, » répondit un officier blond. « Et les Tcherkesses, ils attendront. »« Madame, nous sommes en Orient, et je me souviens du proverbe arabe, entendre, c'est obéir. »